de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Jules et Jim, Les deux Anglaises et le continent, deux films, certes, mais avant cela, deux romans signés Henri-Pierre Rocher. Qui d'autre que François Truffaut pouvait adapter ces deux romans au cinéma? Question naïve, puisque l'on sait aujourd'hui que ces deux films existent, tout le monde a au moins en mémoire les titres, et que d'une certaine façon ces deux romans existent dans notre même mémoire grâce à François Truffaut. Bref, on tourne en rond, bref, ce fut une rencontre entre lui et lui. Deux films, oui, et peut-être un troisième, plus tardif. Rediffusion d'un mardi du cinéma, proposé pour la première fois sur France Culture le 7 mai 1991. Les mardis du cinéma. Henri-Pierre Rocher et François Truffaut, une affinité créatrice par Blandine Masson et Jean-Claude Loiseau. Avec Karine Grund. Ça, c'était ma plus grande témérité. Écrire comme ça directement à François Truffaut. Quand j'ai reçu une lettre, alors là, c'était un succès, hein, vous rendez compte? Georges Bernier. Oui, le matin, elle me fane trois fois. Me faune. Alors, il y a trois lignes sans un mot d'anglais, là, c'est déjà. Lunch, toujours, avec Monsieur Quinn et Ezra Pound chez La Rivière. Super visite à Braque, achat, deux petites toiles, visiter à fond l'appartement de Nicole. Eva Truffaut. Et c'est vrai que oui, moi aussi, je suis sensible aux histoires de Rocher, donc c'est pour ça que des adaptations de Rocher ne pouvaient être que dans mes films préférés, qu'à la de mon père. Mmh. Et puis, je vous dis, ce côté ultra physique. Jean-Claire. La façon qu'il a de comprendre Faute, c'est une espèce de nouvelle morale de l'amour permettante une totale liberté du corps. Donc quand il dit « nous avons procédé à un examen freudien », ça veut dire véritablement une espèce, oui, je veux dire, de jeu de la vérité où on se dit tout et où on fait tout ce que l'on dit. Jean Gruau. Page 235 de Jules et Jim, c'est tout à fait à la fin du roman. On parle de Jim et il se rappela une pièce chinoise dans laquelle, au lever du rideau, l'empereur se penche vers le public et lui confie « Vous voyez en moi le plus malheureux des hommes parce que j'ai deux épouses, la première épouse et la seconde épouse. » Alors ça, ça s'applique à Jim dans le roman. Et nous l'avons appliqué à Jules. Suzanne Schiffman. Je pense qu'il les a donné à lire à Jeanne aussi. Parce que Jeanne, à cause de Kate, enfin d'Hélène, et à cause de, oui, de points communs entre Kate et Jeanne qui existait, entre une femme qui mène un peu sa vie comme un homme, mais qui avait aussi ce point très fort de garder des relations amicales très fortes avec les hommes qu'elle a aimés dans sa vie. Henri Serre. Dans ce tournage, j'avais à la fois, enfin moi j'ai ressenti ça comme ça, une grande liberté de jeu extraordinaire, et en même temps, on se savait, sous le regard d'aigle de François, très rigoureux et très souple. Et François Truffaut. Quand on fait un film d'amour, on se dit, on fait un film qui appartient à l'histoire du cinéma, enfin à la tradition du cinéma, puisque 9 films sur 10 sont des films d'amour. Or, curieusement, bien que 9 films sur 10 soient des films d'amour, il y a des sujets d'amour qui ne sont presque jamais traités. François Truffaut, vous avez dit ce film est un hommage à Henri-Pierre Rocher. Henri-Pierre Rocher est un écrivain que vous avez découvert. Oh, que j'ai découvert, c'est beaucoup dire, mais enfin, dont le premier livre, Jules et Jim, qui était un livre tardif, puisqu'il l'avait écrit à 73 ans, n'avait pas eu de succès, bien qu'on en ait parlé peut-être à l'époque pour le prix Goncourt. Et non découragé par, au fond, l'accueil fait à ce livre. Il en a fait un autre 3 ans plus tard, lorsqu'il avait 76 ans. C'est Deux Anglaises et le continent. Et j'ai vécu pendant longtemps dans l'intimité de ces deux livres. Le premier, j'ai eu très vite envie de faire le film. Le deuxième, je croyais que c'était impossible parce qu'il posait des grands problèmes d'adaptation. Et puis, à force de le lire chaque année, j'ai décidé l'année dernière de me risquer. C'était un livre un peu autobiographique. Oui, comme l'autre, comme Jules et Jim aussi était autobiographique. C'est un homme qui a beaucoup vécu. Enfin, il a préféré vivre avant de faire une œuvre. Son œuvre véritable, je crois que c'est son journal intime qu'il a écrit, vraiment rédigé quotidiennement pendant 60 ans, qui paraîtra peut-être un jour et qui concerne beaucoup de peintres puisqu'il a été un ami des peintres. Et ces deux livres, eh bien oui, racontent avec 60 ans de recul, si vous voulez, ses aventures de jeunesse, ses aventures sentimentales. Lorsque Claude rentra de voyage, sa mère, fatiguée, décida de l'associer davantage à l'administration de leurs biens. Il dut aller lui-même encaisser les loyers des 3 petits immeubles que son père leur avait légués dans Paris. C'est une belle vue, c'est madame. C'est un peu sale, mais je crois que si c'était bien arrangé, c'est un gentil petit appartement. Et puis pour un monsieur seul, c'est bien. La concierge de l'un des immeubles, boulevard Arago, lui signala qu'un logement était libre sous les toits. Il décida de s'y installer. Il venait d'écrire un article sur les femmes peintres. L'une d'elles lui adressa une lettre pour le remercier. Il alla la voir et fut surpris de la trouver dans un atelier pas comme les autres. Vous savez que nous avons failli nous rencontrer déjà. Vendredi soir, vous étiez chez Massoulier. Oui, en effet. Eh bien, je suis arrivée à minuit. Vous veniez de partir, comme Cendrillon. Vous n'êtes pas bouleversée par ce que je vous raconte. Elles sont belles filles, n'est-ce pas? Oui. Vous avez trouvé des choses? Non, mais je vois Arago. Est-ce qu'il habitait? Non. Il habitait boulevard Arago. Mais non, mais déjà? Il habitait toute sa vie. Ah bon? Sauf à la fin, quand il est mort. Parce que là, je l'ai vu boulevard Arago. Vous y alliez boulevard Arago? J'y étais. C'était comment? Absolument, j'y étais chez Cariatis Danse Cocktail. Biguet danse bien avec Cocteau. Mais c'est drôle qu'il avait des gens drunk et jolly. C'est curieux qu'il avait cette habitude, hein. Alors, restaurant Delmas, vous voyez les choses que nous n'avons pas connues. Et alors, dans ce salon, il avait beaucoup de choses, et entre autres, il avait, parce qu'il collectionnait un peintre totalement oublié, qui s'appelle Pruna. Et Pruna existait. Un peintre qui a... Je crois même que Pruna a travaillé pour Diaghilev. Et puis, il avait aussi des vols. Ah oui. Mmh. Évidemment, il avait eu également, en moins grand nombre, parce qu'il y en a toujours eu peu, des Brancusi. Il a eu, je crois, jusqu'à 9 Brancusi. Et vous savez, Rocher a joué un grand rôle à New York. Il a joué un grand rôle à New York. Il était à New York pendant la guerre. Hein. Et en plein vacarme de Picabia, de Cravan, de Duchamp. Et en somme, par cet angle-là, Rocher a participé au tout début de Dada. Est-ce que vous pourriez le décrire physiquement? Physiquement? C'était un monsieur élégant, d'allure, selon la définition de ces années-là. Vous savez, les définitions de l'élégance, en tout cas masculine, jouent sur pas mal d'années. Alors, ça devait être l'élégance des années 20, qui se poursuivait jusqu'aux années 50-60. C'est-à-dire qu'il était grand, il était mince... Il avait un côté, ce côté allure sportive des gens qui ne font pas de sport. Et il était vêtu avec ce qu'on peut appeler de l'élégance, très simple, incontestablement bien mis. Je ne sais pas d'où il sortait ses vêtements, mais peut-être de chez Brooks à New York. Ou de... C'est un espèce d'écrivain né, vous savez. Paresseux comme une loche, mais On peut être un écrivain né en commençant à 80 piges. Ils avaient l'air pas tout à fait. Et d'ailleurs, voilà, vous voyez, pour te lire ces carnets, on veut la puque en deux ou trois langues à la fois, comme ça. Ça a l'air extrêmement marrant. Ben, vous pouvez regarder. Non, mais... mais jetez un œil sur ces carnets, vous allez me dire si vous retrouvez des choses. C'est qui vous amuse. Ouais, écoutez, évidemment, ça m'amuse. Matinée Love paresse. Je longe avec Shot. Ami puis Bobon. Puis shopping, c'est incroyable, un peu headache. C'est merveilleux. Oui, c'est plus qu'un journal, ne serait-ce qu'évidemment par cette extraordinaire notation en style télégraphique et aussi en écriture polyglotte. Il ne faut jamais oublier que Rocher était un diplomate raté. Mais en tout cas, du Quai d'Orsay, il avait gardé cette façon extraordinairement très française de rédiger des dépêches, si j'ose dire, d'où ce style très, très particulier qui n'est pas sans évoquer le style à la même époque de gens comme Paul Morand, de Giraudoux ou d'autres écrivains célèbres également formés par le Quai. Il le dit lui-même très bien, il veut dire fabriquer une espèce, écrire une espèce de physiologie de l'amour, parler des rapports sexuels avec la même précision, la même délicatesse aussi qu'au XVIIIe siècle on pouvait parler d'un baiser ou d'un effleurement de main. Et de ce point de vue-là, ces modèles sont des modèles très, très contemporains de son époque et des années 20. À plusieurs moments dans ce pseudo-journal, en fait dans cette espèce d'examen d'introspection qui va plus loin qu'une introspection, il y a deux noms qui reviennent, c'est Freud et c'est Feininger. Et au fond, ces trois modèles, c'est Stendhal pour l'anatomie de l'amour, c'est Denis de Rougemont pour la physiologie des sensations, ça c'est pour le style, et pour c'est ces modèles littéraires, et ces modèles, j'allais dire, méthodologiques, c'est Freud et Feininger. Est-ce qu'il parle du bœuf là-dedans? Oui, oui, tout le temps. Il parle du bœuf, mm-hmm. C'est ça, oui. Ben voilà, il était certainement un personnage, c'était un homme des années 20. Vous comprenez? Et c'était un homme qui, en effet, devait être merveilleusement défini par cette atmosphère du bœuf avec Crevel, Jacques Rigaud, Aragon, Nancy Cunard, etc. Les années 20, ça veut dire après la guerre, quand même. Ah, oui, après la Grande Guerre de 14. Absolument, c'est un choc, mais, ça. Justement, tous ces hommes avaient vécu, d'une façon ou d'une autre, la guerre de 14. Et l'immense trauma de la guerre de 14 les définissait, ne fût-ce que par le refus qu'ils avaient pu lui opposer. Tous ces gens qui étaient à New York et qui ont vraiment été, si vous voulez, on peut les appeler des prédadars, n'est-ce pas ? Tous ces hommes, en somme, étaient des déserteurs. Et je crois que Rocher aussi. Demi-vitelle au café de la paix au lieu de linge. Je sais pas comment on dit, linge. La grippe approche. Ah, la grippe approche. Lyonnais annonce un plan de piano et divan sur la crise. C'est que c'est drôle. Concert salle montagne, théâtre du journal, des Auric, Mio qui chante, Onègre, Poulain, etc. Bonne, brève, causerie de Cocteau. Je suis au deuxième rang. Yvonne Crotty vient à côté de moi, jolie, désirable. Tiens, je n'en savais pas, vous savez qui c'était? Yvonne Crotty? Oui. Racontez-moi. Ben, je crois que c'était la femme, c'était la sœur du Duchamp. Ah, peut-être, oui. Et la femme du peintre Crotty. Mm. Voilà. Monsieur Jim, j'ai quelque chose à vous dire. Voulez-vous m'accompagner? Jules, regarde-nous bien. Jules n'aurait plus cette peur qu'il éprouvait depuis le premier jour. D'abord que Catherine le trompe, puis seulement qu'elle meure, puisque c'était fait. On retrouva les corps accrochés dans les roseaux. Le cercueil de Jim était encore plus grand que nature, celui de Catherine un écrin à côté. Il ne laissait rien d'eux. Lui, Jules, avait sa fille. Catherine avait-elle aimé la lutte pour la lutte? Non. Mais elle en avait étourdi Jules jusqu'à la nausée. Un soulagement l'envahissait. Lettre de Helen Hessel à François Truffaut. 1961. Cher François Truffaut, assise dans cette salle obscure, appréhendant des ressemblances déguisées, des parallèles plus ou moins irritants, j'ai été très vite emportée, saisie par le pouvoir magique, le vôtre et celui de Jeanne Moreau, de ressusciter ce qui a été vécu aveuglément. Que Henri-Pierre Rocher ait su raconter notre histoire à nous trois en se tenant très proche de la suite des événements, cela n'a rien de miraculeux. Mais quelle disposition en vous, quelle affinité a pu vous éclairer au point de rendre sensible, malgré des déviations et des compromis inévitables, l'essentiel de nos émotions intimes. Sur ce plan, je suis votre seul juge authentique, puisque les deux autres témoins ne sont plus là pour vous dire leur oui. Affectueusement à vous, cher Monsieur Truffaut, Helen Hessel. C'était vers 1912. Jules Étranger à Paris avait demandé à Jim, qu'il connaissait à peine, de le faire entrer au bal des Quatre-Arts. Jim lui avait procuré une carte et l'avait amené chez le costumier. C'est pendant que Jules fouillait doucement parmi les étoffes et se choisissait un simple costume d'esclave que naquit l'amitié de Jim pour Jules. Elle grandit pendant le bal où Jules fut tranquille avec des yeux comme des boules, pleins d'humour et de tendresse. Le lendemain, ils eurent leur première vraie conversation, puis ils se virent tous les jours. Chacun enseignait à l'autre jusque tard dans la nuit sa langue et sa littérature. Ils se montraient leurs poèmes et les traduisaient ensemble. Ils avaient aussi en commun une relative indifférence envers l'argent, et ils causaient sans hâte, aucun des deux n'ayant jamais trouvé un auditeur si attentif. Jules n'avait pas de femme dans sa vie parisienne et il en souhaitait une. Jim en avait plusieurs. Il lui fit rencontrer une jeune musicienne, le début sembla favorable, Jules fut un peu amoureux une semaine et elle aussi, puis ce fut un joli bout de femme désinvolte qui tenait le coup dans les cafés mieux que les poètes jusqu'à 6 heures du matin. Une autre fois, ce fut une jolie veuve toute blonde, ils eurent des sorties à trois, elle déconcertait Jules qu'elle trouvait gentil mais ballot, et amena pour lui une amie placide, mais Jules la trouva placide. Enfin, malgré l'avis de Jim, Jules prit contact avec des professionnels, mais sans y trouver satisfaction. Je dois dire d'abord que c'est le film que j'ai envie de faire depuis le plus longtemps, puisque j'y ai pensé bien avant de faire les 400 coups. Simplement, il était, je crois, très difficile à faire, et je reculais tout le temps un peu par crainte, au fond. Et cette année, j'ai failli perdre les droits du livre, les droits matériels du livre, et qu'il passe à un producteur. Et ça m'a secoué, ça m'a décidé à me lancer à l'aventure. Et avec Jeanne Moreau, nous avons tout de suite entrepris le film au début de l'année. C'était un vieux rêve pour elle également. Nous voulions faire le portrait d'une femme qui, au début de ce siècle et pendant presque toute une existence, a voulu vivre comme un homme, non pas par féminisme ou par idée revendicatrice, mais simplement par tempérament, par orgueil. C'est en 1955 que j'ai découvert le roman d'Henri-Pierre Rocher, Jules et Jim, parmi d'autres livres d'occasion à l'éventaire de la librairie Stock, place du Palais-Royal. Le livre avait paru 2 ans plus tôt, mais il était passé inaperçu. La critique n'avait été ni bonne ni mauvaise, il n'y avait pratiquement pas eu de compte-rendu, comme cela arrive souvent lorsque le nom de l'auteur est inconnu. Ce qui retint mon attention fut le titre, Jules et Jim. Tout de suite, je fus séduit par la sonorité de ces deux J. Puis, retournant le volume pour lire au dos le prière d'insérer, je vis que l'auteur Henri-Pierre Rocher était né en 1879 et que Jules et Jim était son premier roman. Mais alors, pensais-je, ce romancier débutant a maintenant 76 ans. À quoi peut ressembler un premier roman écrit par un septuagénaire? Comme on peut le penser, mon enthousiasme pour Jules et Jim s'étendit aux personnages et à leurs aventures. Je ne vivais que pour le cinéma et aux livres, je préférais les films que je voyais au rythme de 16 à 20 chaque semaine. Étant critique de cinéma à l'hebdomadaire Art Spectacle, j'avais la chance de vivre ma passion. En lisant Jules et Jim, j'eus la sensation de me trouver devant un exemple de ce que le cinéma ne parvenait jamais à faire, montrer deux hommes qui aiment la même femme sans que le public puisse faire un choix affectif entre ces personnages, tant ils se trouvent amenés à les aimer pareillement tous les trois. Voilà l'élément antisélectif qui me toucha le plus dans cette histoire que l'éditeur présentait ainsi, un pur amour à trois. 14 mars 1956, dans Art, François Truffaut écrit « Jules et Jim, un des plus beaux romans modernes ». grâce à une morale esthétique et neuve sans cesse reconsidérée. Un Juliette Jim cinématographique est possible. Henri-Pierre Rocher. Quelques mois plus tard, visionnant un film américain de série qui m'avait enthousiasmé, un western intimiste, The Naked Dawn d'Edgar Ulmer, mes pensées me ramenèrent à Juliette Jim, et dans le compte-rendu que je fis de ce western, j'écrivis ceci. Un des plus beaux romans modernes que je connaisse est Juliette Jim, de Henri-Pierre Rocher, qui nous montre, sur toute une vie, deux amis et leur compagne commune s'aimer d'amour tendre et sans presque de heurts, grâce à une morale esthétique et neuve sans cesse reconsidérée. The Naked Dawn est le premier film à me donner l'impression qu'un Juliette Jim cinématographique est possible. Avril 56, cher François Truffaut, j'ai été très sensible à vos quelques mots sur Juliette Jim dans Art, notamment à « grâce à une morale esthétique et neuve sans cesse reconsidérée ». J'espère que vous la retrouverez encore plus dans « Deux Anglaises et le continent » que vous allez recevoir. Je répondis à Henri-Pierre Rocher, nous échangeâmes une correspondance assez régulière jusqu'à sa mort, c'est-à-dire pendant 3 ans. Deux ou trois fois, j'allais lui rendre visite dans sa maison à Meudon, le train passait au bout de son jardin. Henri-Pierre Rocher avait à présent 77 ans. Il était très grand et mince, il avait la même douceur que ses personnages, il ressemblait beaucoup à Marcel Duchamp dont il parlait constamment. La peinture avait été la grande passion d'Henri-Pierre Rocher. 2 juin 57, 6 heures. Charmante visite de François Truffaut. Jeune, jolie, vivace. Dans une de mes premières lettres, je dis à Rocher que si je peux faire du cinéma, un jour, j'aimerais tourner Juliette Jim. Cette idée lui plaît. Nous décidons que j'établirai le moment venu la construction du scénario et qu'il écrira lui-même les dialogues qu'il prévoit, selon ses propres termes, aérés et serrés. 23 novembre 1956. Cher François Truffaut, je vous ai fait envoyer à Arles 5 exemplaires de Juliette Jim. C'est pour moi un événement très souhaité que vous passiez à la mise en scène. Je me sens sûr de vous. Je suis touché par votre approbation. Henri-Pierre Rocher. En décembre 57, Henri-Pierre Rocher se déplace, il a alors 78 ans, pour venir voir mon premier court-métrage, Les Mistons. Et spontanément, il écrit un petit texte qu'il destine au journal Art, mais que je n'ose pas faire imprimer étant le critique cinéma de ce journal. À propos des Mistons. De la jeunesse à flot toute simple. Quelle est jolie toute crue cette mince fille à bicyclette dans la lumière de Provence. Elle embrasse son ami comme du pain et lui, elle. Ils ne font que cela, sans se repaître, sans nous lasser, avec le goût du jamais assez. Une bande de galopins jaloux, les Mistons, persécutent les amoureux. Quand ils se trouvent seuls devant le vélo qu'elle vient de quitter, l'un d'eux baisse doucement le cuir encore chaud de la selle. Ce film évite dépenses, condiments, conventions. On y boit comme à une source. C'est la première trace sur l'écran de la manière de François Truffaut, qui nous apporte du tout frais, aussi bien comme metteur en scène que comme critique. Henri-Pierre Rocher. Moi, j'ai connu Truffaut, vous savez, je ne sais pas si vous l'avez dit. Eh bien, figurez-vous que je me suis trouvé pendant un an dirigé un hebdomadaire qui s'appelait Art. Et Truffaut était tombé à Arles, je ne sais pas comment, il était tout jeune, très gosse, et dans la maison il était mal vu, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas, est-ce que c'est parce qu'il avait vu des histoires d'enfance délinquante, ou Dieu sait quoi, enfin, donc je n'ai pas besoin de vous dire que je me foutais royalement, mais, bon, alors, et puis il avait un côté comme ça, intellectuel un peu, hein, et, pourtant il y avait des gens amusants, il y avait Boris Vian, etc., c'est certainement pas Boris Vian qui lui en aurait voulu de son enfance, mais enfin, dans le bon. Alors, moi, je l'ai pratiquement imposé. Mais ça, vous l'aviez trouvé d'où, Truffaut? Vous l'aviez trouvé comment? Bah, parce qu'il traînait, Il essayait de placer de la copie. Et moi, j'ai pris sa copie, qui était des comptes rendus de films. Et j'ai trouvé ça très bien. Et je l'ai pris régulièrement. D'ailleurs, il était très gentil parce que je ne l'ai pratiquement pas revu. Mais je sais qu'il a vu une fois ou deux des gens qui me connaissaient très bien et qui leur a dit, mais Bernier a été épatant pour moi, etc. J'explique à Henri-Pierre Rocher que mon désir de tourner Juliette Jim est toujours aussi fort, mais que l'entreprise me paraissant trop difficile pour un débutant, je vais d'abord réaliser les 400 coups. Il comprend mon point de vue, mais il m'envoie le 28 décembre une lettre que l'égoïsme de mes 25 ans ne m'a pas fait lire assez attentivement. 28 décembre 57. Cher François Truffaut, nous avons tous les quatre été contents de vous voir tous les deux. Je serai heureux si je suis encore là le jour où vous attaquerez Julie Jim. Je les vois très bien en costume simple, d'aujourd'hui. Oui, économie maxima sur tout, et aucune star, sauf créée par vous, coup de chance. Et tout le soin dans l'invention, la découverte, la direction de nouveaux êtres dans un nouveau ton. Si je peux vous servir un jour pour essayer des dialogues, dites-le-moi. Peut-être les ferez-vous vous-même. Je désire vous suivre du plus près possible. Si vous trouvez des raisons ou des prétextes pour nous voir, dites-les-moi. Bien fidèlement à vous deux, Henri-Pierre Rocher. Et c'est l'hiver 58-59, je tourne les 400 coups. Pour y faire une apparition amicale d'une minute, Jean-Claude Brialy vient dans une scène de nuit rue du Faubourg-Montmartre et il me fait la surprise d'amener avec lui Jeanne Moreau que j'ai admirée au théâtre dans La Chatte sur un toit brûlant. Nous improvisons donc une petite scène, rapidement tournée à cause de la pluie et du froid, et enthousiasmée par l'actrice, j'envoie quatre photos d'elle à Henri-Pierre Rocher en lui demandant son avis. 3 avril 59. Cher jeune ami, grand merci pour les photos de Jeanne Moreau. Elle me plaît. Je n'ai bien sûr pas pu sortir pour voir les amants. Je suis content qu'elle aime Kate. J'espère la connaître un jour. Oui, venez me voir quand il vous plaira à votre retour. Je vous attends. Votre fidèle Henri-Pierre Rocher. Mourir. Enfin liquider mes insuffisances. Aurais-je le temps de relire mon journal? Qu'en faire? Je n'aime pas prolonger. Suis-je encore moi ou deux piqûres par jour? C'est un film paradoxal parce que c'est une histoire écrite par un vieillard et filmée par un jeune homme. Alors, à la limite, on pourrait dire que ce n'est pas normal d'écrire son premier roman à 73 ans, c'est le cas d'Henri-Pierre Rocher, et que ce n'est pas normal pour un garçon qui n'a pas 30 ans de faire un film qui résume la vie amoureuse de trois personnages sur toute une existence. Voilà, je pense que c'est ça la bizarrerie du film, certainement. C'est cette tentative de ma part de me substituer à un vieillard et de faire un film de sagesse, de faire un film de fin d'existence, alors que, oui, que j'étais jeune et frétillant. Que voulez-vous savoir? Rien, je veux vous écouter. Pour me juger? Dieu m'en garde. Je ne veux rien vous dire. Je veux vous questionner. C'est vrai. Ma question sera, racontez-vous, Jim. Bien, mais quoi? Peu importe, racontez. Droit devant vous, Jim. Jim commença, il était une fois deux jeunes gens, et il décrivit sans les nommer Jules et lui-même, leur amitié, leur vie à Paris avant l'arrivée d'une certaine jeune femme, comment elle leur apparut et ce qui s'ensuivit. Il raconta même le « pas celle-là, Jim ». Ici, Jim ne put s'empêcher de dire son propre nom, leur sortie à trois, leur séjour au bord de la mer. Catherine put voir que Jim se rappelait ce qui la concernait comme s'il y était encore. Elle discuta quelques détails pour le principe et en ajouta d'autres. Jim décrivit leur rendez-vous manqué au café, il raconta eux trois vus par lui, il dit les trésors cachés en Jules et comment il avait pressenti dès le début que Jules ne pourrait pas garder Catherine. M'auriez-vous raconté tout cela au café? Oui. Continuez. Il n'y a plus rien à dire. Moi, je ne peux pas expliquer autrement ce film et c'est mon amour pour le livre. C'est aussi mon désir de faire un film qui ressemblerait à un livre. Il est certain que les films qui m'avaient le plus marqué étaient des films romanesques, étaient des films avec une narration, des films comme le roman d'un tricheur de Guitry, Les enfants terribles de Cocteau, Le journal d'un curé de campagne de Bresson. Bon, ces films sont très différents les uns des autres. Ils ont pour point commun d'avoir un commentaire. Donc j'étais, contrairement aux producteurs, les producteurs sont toujours contre le commentaire parce qu'en lisant le scénario, ils croient que c'est moins commercial. Ils disent il y a l'idée que du moment qu'il y a un commentaire, l'histoire n'est pas racontée au présent sur l'écran et n'aura pas l'air d'être en train de se vivre, donc que les gens s'intéresseront moins dans la salle. C'est pas tout à fait faux, toujours. Mais c'est l'un ou l'autre, c'est-à-dire que quand c'est bien fait, eh bien, un film à commentaire aura, à mon avis, un impact sur le public plus grand qu'un film sans commentaire. Et quand ça ne fonctionne pas, ça fonctionne effectivement pas du tout. J'avais fait une première version de Julie Jim, où j'avais utilisé, où il y avait les autres filles. Parce que dans Julie Jim, si on prend le roman, c'est un roman de la répétition. C'est-à-dire, vous avez toujours la même situation, c'est-à-dire les deux hommes. dont l'un est, disons, plus rêveur et l'autre plus pratique, pratique si vous voulez, mais enfin, il y a celui qui est amoureux et celui qui se tape les filles. Bon. Et vous avez cette situation triangulaire, c'était toujours plus ou moins Jules qui dégote une fille, qui la présente à son copain, et c'est finalement le copain qui se la fait. Vous voyez, je m'excuse de parler aussi grossièrement. C'est Jules et Jim, quoi. C'est Jules et Jim, mais c'était comme ça. Et alors, ce qui est beau dans le livre, c'est qu'il y a cette situation se répète, mais à chaque fois, ça grince de plus en plus. Et quand ça arrive à Catherine, ça devient carrément tragique. Alors, parce que je crois que vous avez condensé plusieurs femmes dans le personnage. C'était ça qui me fascinait au départ. Moi. Il y avait le langage qui me fascinait. La voix off, les voix off dans les films de Cocteau, je trouve admirable. Surtout avec la voix de Cocteau en plus. Alors ça, je trouvais du super Cocteau là-dedans. Et j'ai pondu donc une première version comme ça. Mais nous avions Jeanne Moreau, il se dit, problème pratique. Il y avait ce problème pratique. Il a dit, ça c'est pas possible. Ça fait... Tu te rends compte si au bout d'un quart d'heure, Jeanne Moreau, qui était d'accord pour faire le film, n'est pas apparue sur l'écran, les gens demandent à être remboursés ou cassent les fauteuils. Alors, ce qu'on a fait, ce que François m'a invité à faire, c'est, j'ai repris tout mon texte avec ma paire de ciseaux. C'était, j'ai massacré un nombre d'exemplaires incroyables des bouquins. La maison Gallimard qui me les envoyait. Je sais pas si c'était gratuit, mais on me les fournissait en tout cas. Et alors j'en ai collé comme ça des quantités. D'ailleurs, quand vous voyez les manuscrits, c'est que des collages. Ils sont mon œuvre. Et alors ensuite, on recoupait dans les collages, on recollait. Et j'ai réduit la chose, ou plutôt j'ai ramené certains épisodes des autres filles. On a attribué, par exemple, le bel épisode visuel, encore dans Jules et Jim, de cette fille, je ne sais plus laquelle c'est, qui fait ses bagages et qui prend feu dans la robe de chambre, je crois, ou là. Prend feu et que Jim éteint, etc. Vous voyez ? C'est une des premières scènes où on voit Jeanne Moreau, ça, dans le film. Oui, c'est une des premières, mais en fait, dans le roman, c'est une autre fille. Il y a aussi le fait que Catherine soit de père, quand vous dites qu'elle est Shakespeare par sa mère. Oui, mais ça, c'est la réalité de Jeanne Moreau, dont la mère est anglaise, et c'est Jeanne Moreau. C'est un mélange de bourguignon et d'anglaise. Donc ça vient même pas du roman. Ça vient de machin, puis il fallait franciser le personnage, puisqu'elle est allemande. Pourquoi vous l'avez francisé? Bah, parce qu'on avait Jeanne Moreau. Tenez, Jim, il serait temps que vous commenciez à apprécier la bière allemande. Jim est comme moi, il est français. Il se fout de la bière allemande. Pas du tout. Comment ? Mais le vignoble français est l'un des plus variés d'Europe, du monde même. Il y a, je ne sais pas moi, les Bordeaux, Château Lafitte, Château Margaux, Château Yquem, Château Frontenac, Saint-Émilion, Saint-Julien, Entre-deux-Mers, j'en passe, et des meilleurs. Il y a aussi, attendez, le Clos Vougeot, les Bourgognes, le Romanais, le Chambertin, le Beaune, le Pommard, le Chablis, le Montrachet, le Volnay, et puis les Beaujolais, le Pouilly-Fuissé, le Pouilly-Locher, le Moulin à Vent, le Fleury, le Morgon, le Brouilly, le Saint-Amour, nous avions tous les vins d'Alsace, le Riesling, le Sylvaner, le Guébourg-Framinaire. Plus que trois marches, plus que deux marches, tous à plein ventre. Rattrapez-moi. Je vois le scénario comme un travail qui gagne à être discuté. Vous voyez, Oui, je travaille presque toujours avec quelqu'un, selon le genre du film. Si c'est un film d'époque ou un film qui demande beaucoup de documentation, je travaille en général avec Jean Gruau. Si c'est un film qui demande une construction assez stricte, je travaille avec Jean-Louis Richard. Maintenant, j'ai pris l'habitude de travailler aussi avec Suzanne Schiffman. L'idée que, pour moi, c'est absolument pas évident qu'un film est meilleur parce qu'on le fait tout seul, vous voyez. J'ai toujours... dans les films que j'admire, comme ceux de Lubitsch, par exemple, il y a toujours eu 3-4 scénaristes, comme dans les films italiens. Si quelqu'un a un genre de création solitaire, oui, je pense que peut-être il y a des gens qui ne peuvent pas travailler avec d'autres. Mais moi, si. À la fois, ça fait une discipline, et en même temps, on éprouve mieux ses idées, comment vous dire. Quand on a une idée un peu excentrique qui choque le partenaire, eh bien, on est amené à la défendre, et finalement, on est amené à l'introduire d'une meilleure façon. On dit, moi, je sais que je vais arriver à un moment à cette scène-là, l'autre dit, mais cette scène-là est absurde, et on arrive à trouver pourquoi elle est absurde et pourquoi on peut quand même l'intégrer. Alors, il me semble que c'est une bonne façon de travailler, et... En tout cas, c'est une question sur laquelle je trouve que les problèmes de vanité ne devraient jamais rentrer, vous voyez, jamais. Quand on travaillait pendant le tournage et qu'on remettait en ordre le film en disant on va ajouter une scène comme ci, on va ajouter une scène comme ça, c'était pas directement par rapport au roman, c'était par rapport à l'équilibre du film. attention, il y a trop de scènes tristes, il nous manque des scènes de bonheur à trois, des scènes de gaieté. Et là, ils recherchaient dans le roman, ils disaient, ah, on pourrait prendre cette scène-là, et puis on la mettrait. On a aussi tourné des choses qui ont été tournées directement, mais c'est un film qui s'est beaucoup transformé, enfin, qui s'est pas mal transformé au montage. Ouais. Sous l'impulsion de la voix off, justement, peut-être. Je pense sous l'impulsion du désir d'avoir cette voix. Enfin, pas sous l'impulsion de la voix off a été placée après, mais le désir d'avoir cette voix, le désir d'avoir ce commentaire, enfin, de retrouver la parole de Rocher, oui. Est-ce qu'il parlait dans les Pierre Rocher pendant le tournage? Ou pas du tout ? Non, il parlait pas. Non, on parlait du film. Pendant un film, on parle du film. Mmh. Enfin, et bien sûr que quand on parle du film et qu'on parle de Jules et Jim, on parle d'Henri Pierre Rocher. J'avais lu le livre, j'avais lu les deux anglaises aussi. Enfin, ce sont des livres que certains d'entre nous avaient lus. Et moi, en tous les cas, je les avais lus, puisque pas seulement pour ces livres-là, mais pour beaucoup de livres, François distribuait toujours les livres quand il les aimait. Donc il les distribuait à ceux qui étaient proches. Et étaient assez proches l'un de l'autre. Ce sont des livres que j'avais lus. Mais oui, on y retournait. Il avait des exemplaires du livre avec lui. En plus du scénario, il avait toujours le livre avec lui, c'est évident. Oui, oui. Donc on retournait au livre, mais pas à Henri. Pas à l'homme. Et je dois dire qu'il me semble, enfin en tout cas je ne me souviens pas avoir connu l'existence des carnets à l'époque. Malgré tout, cette fille me plaît. Elle veut être libre. Elle invente sa vie à chaque instant. Jim n'a pas l'air enchanté. Non, franchement non. C'est une pièce confuse et complaisante. Encore un de ces types qui prétendent peindre le vice pour mieux montrer la vertu. On ne sait pas à quelle époque ça se passe, ni dans quel milieu. L'auteur n'a pas expliqué si l'héroïne est vierge ou non. Ça n'a aucune importance. Cela n'aurait aucune importance si le conflit était purement sentimental, mais puisque l'auteur précise que le héros est impuissant, que son frère est homosexuel et que sa belle-sœur est nymphomane, il nous doit des précisions physiques sur l'héroïne. C'est logique, non? Non. Et puis d'abord, vous ne pensez qu'à ça. Parfaitement, madame. On ne pense qu'à ça et vous nous y aidez. Pas de psychologie ce soir, Jules. Ce n'est pas de la psychologie, c'est de la métaphysique. Dans le couple, l'important, c'est la fidélité de la femme. Celle de l'homme est secondaire. Qui a écrit « La femme est naturelle, donc abominable » ? C'est Baudelaire, mais il parlait des femmes d'un certain monde et d'une certaine société. Mais pas du tout, il parlait de la femme en général. Ce qu'il dit de la jeune fille, c'est magnifique. Épouvantail, monstre, assassin des lards, dite sotte, dite salope. La plus grande imbécilité unie avec la plus grande dépravation. Oh, un instant, je n'ai pas fini. Et c'est si admirable. J'ai toujours été étonné qu'on laisse entrer les femmes dans l'église. Quelles conversations peuvent-elles avoir avec Dieu? Vous êtes deux idiots. Moi, je n'ai rien dit et je n'approuve pas forcément ce que dit Jules à 2h du matin. Alors, protestez. Je proteste. Le plongeon de Catherine se grava dans les yeux de Jim au point qu'il en fit le lendemain un dessin, lui qui ne dessinait pas. Un éclair d'admiration jaillit en lui, tandis qu'il envoyait à Catherine par la pensée un baiser invisible. Il était tranquille, il nageait mentalement avec elle et gardait son souffle pour bien effrayer Jules. Catherine ! Catherine ! Il n'y a pas une égalité absolue parce que Jules est prestigieux, finalement. Il a le rôle ingrat et ce rôle ingrat, il le transforme en rôle prestigieux. Est-ce parce que c'est le rôle auquel je me suis le plus intéressé? Est-ce parce que l'acteur était plus mystérieux? Est-ce parce que, comme souvent dans les romans à la première personne, c'est pas roman à la première personne, c'est un roman à la troisième personne, mais enfin, le personnage le moins bien expliqué est toujours le narrateur. Or, Henri Pierre Rocher était Jim. Jules, c'était un romancier autrichien. Maintenant, à l'époque, on ne pouvait pas dire les noms, mais maintenant, on peut les dire parce que toutes ces personnes sont mortes. C'était qui s'appelait Franz Hessel, qui était un écrivain allemand pour lequel Henri Pierre Rocher avait eu des sentiments forts. Et la dame existait aussi, elle est morte maintenant, elle s'appelait Hélène Hessel, elle était femme de lettres. Alors à cause de ça, je pense que Jim est un peu plus effacé, parce qu'au fond, c'est lui la première personne de l'histoire, et qui regarde les autres. Alors donc les autres sont un peu plus détaillés. Et Jules, effectivement, c'est le rôle ingrat qui est devenu un rôle prestigieux, mais aussi parce que l'acteur est poétique et qu'il est formidablement doué, et aussi probablement parce qu'il a un comportement héroïque, puisqu'il y a une idée de sacrifice dans son comportement de Jim. Jim prend les avantages de tout sans les inconvénients. Mmh. perdu, on s'est perdu de vue. J'aurais dû prendre dans un autre ton, c'est trop grave. Et des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets. Puis je chantais avec une voix qui sitôt m'enjola. Elle avait des yeux d'opale qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail. J'ai oublié les paroles. Henri Serre, quand on vous entend chanter cette chanson, comme ça, on a l'impression que c'est tout un, toute une joie, tout un bonheur qui reviennent. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. D'ailleurs, souvent, les souvenirs importants pour moi sont accrochés à des chansons. Je sais que ça, ça jouait aussi beaucoup pour François. Quand on relit toutes ces lettres, c'est à la fois plein de sensibilité, d'intelligence, d'acuité et de grande rigueur de sentiments, de pensées, de cœur, de hauteur de vue et voilà, j'y ai toujours été sensible, je crois, mais peut-être que, avec l'âge et avec le recul, ça me touche encore plus. Non, c'est vrai, je veux dire, quand François m'a parlé de Jules et Jim, il m'a donné à lire, bien sûr, en tout premier, le livre, et j'ai été séduit tout de suite par le ton. C'était étonnant d'apprendre que ce livre avait été écrit par quelqu'un qui avait 73 ans quand il l'a écrit, alors qu'on a l'impression que c'est écrit par quelqu'un qui a 25 ans, 30 ans, quoi. Enfin, c'est tellement plein de vie, de jeunesse et de fraîcheur que c'est d'abord ça qu'on reçoit en pleine figure et en plein cœur. Et tout de suite après, ce qui touche beaucoup, c'est à quel point ça parle de façon juste et vraie, et c'est comme ça qu'on devrait toujours en parler, de l'amitié, de l'amour, et voilà, et des rapports des êtres. Alors évidemment, s'il y a des choses qui coincent dans Jules et Jim, dans leur rapport, et c'est pas facile, je veux dire, à vivre, mais en tout cas, ils laissaient tous les trois, avec beaucoup de d'honnêteté. Et voilà, et il fallait quelqu'un, je crois, pour l'écrire comme Rocher, pour le lire comme François, et pour l'adapter, bon, je ne vois pas qui aurait pu mieux le faire que ne l'a fait François. Et je crois que vous avez rencontré Madame Rocher, Denise Rocher. Oui, je l'ai rencontré, il y a eu une petite projection privée de Jules et Jim. La cinémathèque était à l'époque rue d'Ulm. Moi, je suis sorti à la fin de la projection, je suis allé dans la rue et j'ai vu Truffaut qui était avec une dame, qui était donc Denise Rocher, m'a présenté à elle. Elle est partie assez vite, un peu comme ça, troublée, bouleversée. Et une fois qu'elle a été partie, François m'a dit, elle est complètement bouleversée, elle venait de voir le film pour la première fois parce que vous lui avez évoqué sans cesse Pierre-Henri Rocher. Enfin, c'était pas la ressemblance à laquelle elle avait été sensible. Je sais pas si je lui ressemblais, peut-être un peu, mais surtout aux allures, aux dégaines, aux gestes comme ça qui échappent à tout le monde, qui sont incontrôlables. Et elle, je sais pas, j'avais trouvé que j'avais la même façon de me balader, de me lever, de m'asseoir, de bouger. Et ça l'avait complètement bouleversé. Voilà, si je suis un peu cousin avec tous ces gens, j'en suis très content, très heureux. J'ai une petite parenté avec eux, elle m'est chère. les années passaient, mes pensées me ramenaient souvent vers Henri-Pierre Rocher et je relisais Deux Anglaises et le Continent au moins une fois par an pour mon plaisir. L'idée d'en tirer un film ne me venait pas à l'esprit car il ne s'agit pas d'un récit linéaire mais d'une suite d'éléments littéraires présentés comme des documents réels, extraits de journaux intimes, lettres, monologues. À plusieurs endroits, Rocher divise les pages en deux colonnes pour confronter le journal intime d'une des deux sœurs et celui du héros Claude qui n'est autre évidemment que l'auteur. Cette nuit, j'ai revécu en détail notre histoire. J'en ferai un jour un livre. Muriel pense que le récit de nos difficultés pourrait servir à d'autres. La grande différence entre les deux romans est très bien exprimée par Henri-Pierre Rocher lui-même lorsqu'il écrit dans sa présentation des Deux Anglaises « On y trouvera plus de vertus que Gilles et Jim, les journaux intimes y sont d'une franchise totale. » Avec le temps, j'en arrivais à considérer que les Deux Anglaises étaient un livre encore plus grand que Jules et Jim, mais je persistais à le trouver inadaptable pour la raison que les trois personnages qu'il met en scène ne sont presque jamais réunis et que leurs émotions les plus fortes sont communiquées à distance à travers leur correspondance. Une fois encore, Muriel venait de trahir son secret, dévoilant en même temps la violence et la force de son amour si longtemps contenu. Anne la raccompagna au Pays de Galles comme une blessée. Voici la lettre d'adieu que Muriel adressa à Claude. Claude, vous le savez, Anne m'a parlé enfin, c'est une crainte de me faire mal. J'ai été remplie d'horreur, maintenant je suis calme. Je sais qu'Anne vous aime et qu'elle mourra sans changer d'idée. Elle vous a aimé la première. Elle a renoncé sans un mot quand elle nous a vus ensemble en Angleterre. Mon égoïsme m'a empêché de deviner. Elle vous a apporté à moi, elle a presque réussi à nous fiancer. Si une femme comme Anne ou comme moi se donne à un homme, elle est sa femme. Claude, voudriez-vous avoir deux familles qui soient sœurs? Anne et moi, nous aimons le même homme, c'est tragique, mais pas extraordinaire. Je penserai peut-être à vous toute ma vie, mais une certaine partie de moi vous a quitté l'autre soir. Dans une heure, je pars pour l'Angleterre. Je vous demande pardon pour notre long baiser. Pour la première fois, Claude fut atteint profondément. Lui qui avait tant fait souffrir découvrait la souffrance à son tour. Il sombra dans le désespoir. Il restait des jours entiers enfermé dans l'obscurité, doutant de tout et même de sa propre identité. Il attendait le sommeil en répétant à voix basse « Je ne suis personne, je n'existe pas, je ne comprends plus rien à la vie. » Puis il trouva progressivement la guérison par les moyens qui étaient les siens. Il écrivit son premier roman « Jérôme et Julien ». À travers les émotions d'une femme qui aima toute sa vie deux hommes en même temps, il était aisé de reconnaître, à peine transposé, l'histoire de son amour pour les deux sœurs. Et votre livre, c'est avance ? J'ai pas mal travaillé, oui. Je crois qu'elle sera assez autobiographique. Notre amitié y jouera un rôle important. Je voudrais bien vous en lire un passage. Avec plaisir. Jacques et Julien ne se quittaient plus. Le dernier roman de Julien avait eu du succès. Il y décrivait dans une atmosphère de contes de fées des femmes qu'il avait connues avant le temps de Jacques et même de Lucienne. Jacques était fier pour Julien. On les surnommait Don Quichotte et Sancho Panza, et les gens du quartier leur prêtèrent bientôt à leur insu des mœurs spéciales. Ils mangeaient ensemble dans de petits bistrots, les cigares étaient leurs dépenses, chacun choisissait le meilleur pour l'autre. C'est vraiment très beau. Si vous me le laissez, je voudrais le traduire en allemand. Et maintenant, à la douche. La première fois où j'ai ouvert ces carnets, carnet de Rocher, personnage extraordinaire de chasseur, a-t-on le droit d'utiliser des éléments de ces carnets pour étoffer les personnages transposés des Deux Anglaises ? Droit n'est d'ailleurs pas le mot propre, ce n'est pas un problème moral, mais il s'agit de deux écrits bien distincts, hétérogènes. J'admire comme cet intellectuel est dépourvu d'intellectualisme. On pourrait en dire autant de François Truffaut, d'ailleurs. Tout sonne faux à côté de cela, et pourtant la forme est sans doute très travaillée. Quelle relation Truffaut entretenait avec ces carnets, justement ? Est-ce qu'il les lisait régulièrement ? Il les lisait aussi, oui. Mais il les confiait surtout pour que je les lise et pour que moi je fasse cette espèce de déblayage, vous voyez. Mais il les confiait. C'était ma fonction. De quoi ? De déblayer les carnets de Rocher ? Oui, c'était une de mes fonctions. Vous voyez. Vous avez été un des tout premiers lecteurs des carnets. Rares lecteurs. Ah, bah oui, évidemment. Oui. Et François aussi, évidemment. Il a découvert aussi tout ce langage codé de... Ah bon, on a décrypté ça. Bon, bah, c'est assez facile, je ne le dis pas pour les auditeurs. Enfin, il y a tout un tas de... Enfin, on peut dire quand même que petit homme, c'est-à-dire PH, qui mettait PH, ça veut dire le sexe masculin. PF, petite femme, c'est le sexe féminin. C'est le sexe, je veux dire l'organe, évidemment. Et alors, il disait, petit homme se porte bien, ou des trucs comme ça. Ça permettait de donner des détails extrêmement précis sur, quand il parlait d'une rencontre avec une fille, avec extrêmement de précision, tout ce qu'ils avaient fait. Vous dites que... Ce qu'ils avaient fait du point de vue sexuel. Mmh. C'est une des raisons pour lesquelles vous pensez que l'homme qui aimait les femmes, c'est quelqu'un comme Rocher. C'est très près de Rocher. Évidemment, c'est très près de Rocher. En 71, je vécus ma première dépression nerveuse, un breakdown qui me conduisit dans une clinique pour une cure de sommeil. Je n'avais amené qu'un seul livre, Les deux anglaises, dont je lisais des pages chaque fois que je me réveillais. Je commençais à la noter dans les marges, comme lorsque j'entreprends une adaptation, et à un certain moment, ma décision fut prise. J'allais quitter cette clinique de malheur, m'enfermer avec mon ami Jean Gruot et me mettre au travail. Nous avions le désir de faire un film plus charnel que Jules et Jim, un film qui ne montrerait pas l'amour physique, mais qui serait un film physique sur l'amour. Interprété par Jean-Pierre Léo et deux jeunes actrices anglaises, Keke Markham et Stacey Tendater, deux Anglaises et le continent devint un film assez mal accueilli en France au moment de sa sortie, mais dont la réputation, je crois, est devenue meilleure avec les années. En tout cas, j'ai l'impression d'avoir appris beaucoup de choses en le tournant, des choses sur le cinéma, mais aussi des choses sur la vie, sur l'amour, sur la violence des sentiments et sur la cruauté des coups que peuvent se porter innocemment les gens qui s'aiment. Eh bien, oui, c'est l'histoire de deux, selon le point de vue duquel on se place, soit d'un Français qui aime deux sœurs pendant une grande partie de sa vie, soit de deux sœurs amoureuses d'un Français. C'est plutôt la réalité, d'ailleurs. C'est plutôt deux sœurs amoureuses d'un Français sur une grande partie de leur vie. Mais alors que la situation de Jules et Jim était un peu scabreuse, étant donné qu'il y avait cette cohabitation de cette femme et des deux hommes qu'elle aimait pareillement et dont elle était aimée également. Ici, c'est différent parce que nous avons des personnages plus jeunes et nous avons une histoire de contre-temps. En réalité, c'est pourquoi l'adaptation était beaucoup plus difficile à faire que celle de Jules et Jim. D'ailleurs, j'ai hésité beaucoup. C'est un roman que je lisais une ou deux fois par an par goût parce que je l'adorais. Mais l'idée d'en faire un film est assez récente en réalité. Et... la difficulté ici était que les personnages sont rarement réunis. En réalité, ils sont séparés la plupart du temps par les circonstances où ils sont séparés et ils sont amenés plutôt à communiquer par les journaux intimes, les lettres et des livres qu'ils se prêtent. Et voilà, ce sont des personnages à distance. Ça rendait l'adaptation assez malaisée. Alors, bon, je notais donc le 30, c'était le 30 juillet. Repris dans mon bureau, j'ai déménagé entre-temps, oui, et repris dans le 30 juillet 68, repris dans mon bureau ensoleillé, travail sur deux Anglais, nouveau carnet de Rocher, donc vous m'avez livré le 56. Note sur une chute assez lente au cours d'une excursion. Je notais, et d'ailleurs François aussi écrivait, non seulement ce qui nous plaisait du point de vue écriture, du point de vue, si vous voulez, qualité de pensée, c'est un peu ridicule, mais enfin, c'est ça, détails, mais surtout tout ce qui était des détails qui visuellement pouvait être intéressant, vous voyez ? Qu'on les montre ou qu'on les montre pas. Car il y a une chose dont je n'avais pas conscience à l'époque, mais j'en ai pris conscience ensuite en discutant de ces problèmes-là avec René plus tard, c'est que quand il y a une longue tirade au cinéma, vous avez une longue tirade, si cette tirade ne fait pas référence à des faits concrets, eh bien, les gens n'écoutent plus. Alors, dans Rocher, ce n'est que ça. Ça veut dire que vous avez référence à ça. Alors, je notais quand même. Il y a ça dans les carnets, en fait. Juste que dans le roman. Les carnets, mais il y en a dans le roman aussi. Il y en a dans le roman. Mm-hmm. Mais dans le roman, dans ce que nous avons gardé du roman, par exemple, le récit du suicide de Claude, on pouvait très bien aussi le montrer. Mais on peut le raconter. Ça n'a pas. On a choisi de le raconter, mais on aurait pu le montrer. Mais dans ce film, vous avez choisi tout le temps de raconter, en fait. On raconte des faits. Mais on voit des choses aussi. Ouais. Ils revinrent du déjeuner sur l'herbe en poussant leur vélo à la main. Au bout d'un chemin, ils s'arrêtèrent pour regarder une rivière torrentueuse par endroits. Ils furent d'accord pour décider que la haute masse d'eau qui tombait ressemblait à Anne, les remous désordonnés à Claude et l'étalement paisible qui suivait à Muriel. Tout était si naturel avec les deux sœurs. Claude écrivait sur elle chaque jour quelque chose dans son journal, mais il aimait encore mieux les regarder. Je pourrais écrire des pages et des pages sur elle chaque jour. J'aime mieux les regarder. Peu à peu, Muriel prend la place qu'avait prévue Anne, la première. Il y a un ton de convention, les personnages se parlent. Ne se parle pas comme dans la vie, vous voyez, le dialogue, non seulement le commentaire littéraire, mais le dialogue l'est aussi. Quand une des Anglaises dit « je suis comme une rivière qui se gonfle et qui baisse, et c'est la rivière qui vous répond maintenant », c'est littéraire, vous voyez, on ne parle pas comme ça dans la vie. C'est un film qui est un peu incantatoire, hein. Il a quelque chose de... Il est stylisé, absolument. même si on essaie de faire éprouver des émotions aux spectateurs, ce sont des émotions quand même à travers une certaine littérature que j'aime tellement, puisque c'est pour ça que j'ai fait le film. Mais je n'ai pas cherché à être réaliste, par exemple, lorsqu'il raconte l'histoire des maisons closes à son régiment. C'est un texte presque, on dirait, du Diderot à ce moment-là. C'est toujours littéraire. Ce n'est jamais le dialogue quotidien, disons, qu'il a dans les douanelles. Alors, à la différence des douanelles, je lui ai demandé d'abandonner tout le côté gouailleur, si vous voulez, tout le côté, même ce qui restait d'enfance. Ça, je lui ai demandé de l'abandonner. Et je lui ai donné une espèce de clé pour jouer, au fond, parce que, au fond, dans cette histoire, il joue le rôle de l'auteur, il joue le rôle d'Henri-Pierre Rocher, l'auteur du roman, puisque le roman était autobiographique. Je lui ai demandé, je lui ai donné comme mot-clé, si vous voulez, la curiosité. Parce que Henri-Pierre Rocher était un curieux de profession. C'est un homme qui a découvert des peintres, a amené par exemple les premiers Picasso à New York. C'était un dilettante, c'était un ami des artistes, c'était un homme qui ne travaillait pas beaucoup, qui était assez sportif, qui aimait la vie et qui a écrit ses deux romans, Jules et Jim, à 73 ans et Les Deux Anglaises à 76 ans. Il avait préféré vivre, vous voyez, il était un artiste tardif. Et c'est un homme qui regardait la vie avec avant tout une espèce de curiosité d'esthète, même il regardait même la souffrance, je pense, avec une espèce de curiosité. Et c'est ce que j'ai demandé à Jean-Pierre toujours, de ne jamais donner l'impression qu'il ressentait, sauf dans deux ou trois scènes où il est très ému. Mais sinon, c'est ça, c'est un... je lui ai demandé aussi de s'imaginer, de penser qu'il jouait le rôle d'un homme qui était né riche, ce qui était quand même important, qui était une grande différence aussi avec les douanelles. Vous voyez, donc il y a cette espèce d'aisance comme ça, de toujours. J'ai une mauvaise tendance à trop me spécialiser. J'envie l'ouverture de votre éventail, Jim. Oh, moi je suis un raté. Le peu que je sais, je le tiens de mon professeur Albert Sorel. Que voulez-vous devenir, me demanda-t-il. Diplomate. Avez-vous une grosse fortune? Non. Pouvez-vous, avec quelque apparence de légitimité, ajouter à votre patronyme un nom célèbre ou illustre? Non. Eh bien, renoncez à la diplomatie. Mais alors, que dois-je devenir? Un curieux. Ce n'est pas un métier, ce n'est pas encore un métier. Voyagez, écrivez, traduisez. Apprenez à vivre partout. Commencez tout de suite. L'avenir est aux curieux de profession. Les Français sont restés trop longtemps enfermés derrière leurs frontières. Vous trouverez toujours quelques journaux pour payer vos escapades. Jules pense que vous avez une grande carrière devant vous. Moi aussi. Mais j'ajoute, pas forcément spectaculaire. Alors, il mettait, ne notais-je pas trop de faits? Ne devrais-je pas noter des instants seulement? Quand relirai-je ces carnets? Au fond, je ne les relirai bien que quand je serai mort. Me souhaitais-je une vieillesse tranquille, avec mes carnets sous la main, ou une mort en pleine activité? Quand je pense au début jeune idéaliste de ces carnets, j'imagine qu'ils ont dû marcher vers l'exactitude. J'ai souligné. Vous voyez ? Extraction de ma molaire au moment où on la croyait sauvée. Ce premier trou dans la bouche m'a fait penser à la mort à mon âge, 32 ans, il se trouvait vieux, à mon œuvre. Mais il est effectif qu'il est mort tranquille avec ses carnets sous la main. Alors, Nuc, à propos de Nuc, alors là, je notais tout particulièrement, puisque je savais que Nuc était Muriel. Mmh. Seule la santé de Nuc eût pu contrebalancer la mienne dans nos enfants. Celle qui s'appelle W, là, je ne sais plus qui c'est. Nous avons là ensemble, toute la journée, sans manger, sans parler, chacun dans son lit, une migraine. Et cela nous fait une grande journée d'amour. Claude trouvait Anne spécialement jolie aujourd'hui, avec une voix bien timbrée. Il sentait battre le cœur de la jeune fille, le sien battait aussi. Il pensait qu'il n'y avait plus la barrière Muriel entre deux. That's more recent. Il lui vint l'idée folle de prendre le sein d'Anne dans sa main. Pourquoi ne pas essayer? Claude se disait, va-t-elle s'écrier, me donner une claque? Mais non. Anne s'éloigna de Claude afin de lui expliquer quelque chose. Il y avait eu à côté d'elle toute sa vie une fille supérieure qui l'éblouissait et dont la voix éteignait la sienne. C'était Muriel. Anne avait organisé la rencontre Claude-Muriel pour son plaisir, comme ont fait se mesurer deux grands prédicateurs. Du premier coup, elle les avait vus mariés et elle s'était effacée entre eux, non par vertu, mais par évidence. Tu étais jalouse, Muriel? Oui, quelquefois, mais pas longtemps. Quand vous avez joué ensemble au tennis, vous étiez comme un couple. Nous avons échoué. Aucun homme n'avait touché Anne, elle se donnerait à lui. Il serait le premier, mais pas ici, pas dans cet atelier, pas à Paris. Claude lui promit de l'emmener. Il se fit prêter une petite cabane sur une île miniature au milieu d'un lac suisse. Il lui proposa de passer là une semaine. Ils essaieraient, ils s'approcheraient. Ils étaient encore plus résolus qu'amoureux. Je crois qu'il y aura peut-être, en fin de compte, la même différence entre Jules et Jim et les deux Anglaises, film, qu'entre le livre, le roman Jules et Jim et le roman des deux Anglaises, c'est-à-dire que, je ne suis pas sûr, mais si vous voulez, je pense que le roman Jules et Jim est plus beau, plus réussi que les deux Anglaises, mais je crois que les deux Anglaises contient des beautés plus fortes, vous voyez. Par exemple, des choses comme les adieux, les séparations, les retrouvailles, la confession de Muriel, toutes ces choses-là, pour moi, sont des espèces de sommets que je n'avais pas dans Jules et Jim, enfin, qui, peu à peu d'ailleurs, m'ont donné cette envie quand même de plus en plus forte de faire le film. Et Jules et Jim, parce que les trois personnages étaient réunis, je pense, c'était une situation de concentration, et peut-être tournait plus facilement rond. Et là, dans les deux Anglaises, on a sur 2h10, on essaie de suggérer toute une existence, plus qu'une existence, on essaie de suggérer trois existences. Je pense que si je n'avais pas filmé le roman, vous savez, le générique est constitué du roman de chez Gallimard, on sortirait du film en pensant qu'il s'agit d'un très gros livre, probablement comme Autant n'emporte le vent. Là, ce n'est plus Les Hauts du Revers, c'est Autant n'emporte le vent. C'est-à-dire, on imaginerait un livre de 600 pages. Et effectivement, c'est un livre quand même très serré, vous voyez. Mais effectivement, avec mon ami Jean Gruau, nous étions arrivés à une première adaptation de 550 pages, que ma script girl avait minuté à 5h, 5h30, et je n'osais pas faire un film 5h, 5h30, parce que je n'ai pas le courage de mon ami Rivette. Donc j'ai coupé, amputé, jusqu'à faire entrer toute cette histoire en 2h10. Mais pour la faire entrer en 2h10, j'avais besoin aussi de commentaires, c'est-à-dire il y a des scènes qui sont montrées, il y en a d'autres qui sont racontées, il y en a d'autres qui sont suggérées, et évidemment on a une très grande bousculade du temps. Mais je crois que ça, c'est une des caractéristiques de ce métier de cinéaste, c'est que, si vous voulez, il y a tous les styles, il y a toutes les façons de faire du cinéma, mais dans tous les cas, faire du cinéma, c'est mener une lutte avec la durée. Je continue à vous dire ce que je notais. Ce serait bien, voilà. Bon, alors par exemple, j'avais noté, nous nous racontons nos rêves, entre parenthèses, rêve de la femme singe. Ça, je ne sais pas si c'est un rêve de moi ou un rêve de lui. J'ai mis entre parenthèses rêve de la femme singe. C'est-à-dire, nous racontons nos rêves, ça me donne tout de suite une idée de film, une idée de scène que je n'ai probablement pas faite, mais des personnages qui se racontent leurs rêves, vous voyez. Par cette chaleur fin de chair fraîche, je pense à elle, à Nuque, envie de bonne boxe, pelote et chasse. Tout cela est peut-être du bonheur. Mycène. Je pense aux ors, il était en Grèce là, aux ors d'Athènes et à l'émotion de Schliemann quand il a trouvé ces choses et quand, sous le masque d'or soulevé, il a vu tomber en poussière ce qu'il pensait être la face d'Agamemnon. On ne peut être exact que dans sa spécialité, pensais-je, en le voyant, un type, en le voyant archéologiser et en comparant cela à son amour. Alors là, je mets avec F et K, je ne sais pas qui sont F et K, je pense que F c'est Jules, je suppose. Au dîner, conversation sur notre génération, fait unique. Ça c'est quoi? C'est un texte de vous ou un texte non, de Rocher? Non, c'est des textes de Rocher. Au dîner, conversation sur notre génération, fait unique. Je contredis. Et il note, tout est unique. Et alors là, j'ai souligné, parce que je le pense. Et ça, alors, j'ai utilisé ça dans L'amour à mort. Bon, alors, excusez-moi. Je m'excuse au pas de Rocher. Et alors, j'ai noté au crayon, là, parce que bien après, je le fais dire à Judith dans L'amour à mort, voilà. Et j'avais noté également, dans l'essai de Léoto... Donc, dans votre carnet, vous recopiez des extraits de Rocher, en fait. Oui, là, j'avais, parce que je pensais que tout ça pouvait nous être utile. C'est tout. Hein. Il y en a plein, là, mais bon... Par exemple, les trois courants où on compare les trois personnages à un stade du courant d'un torrent, vous voyez? Oui, avec la cascade. La cascade, hein? Eh bien, ça, c'est dans Jules et Jim. Et on l'a réadapté aux deux Anglaises. Voilà, tout se mélange. Là, ah, mais tout se mélange, complètement. Je dois vous dire que dans Adélache, il y en a aussi. Dans Adélache, il y a quoi? Des morceaux de Jules et Jim ou des morceaux des deux Anglaises? J'en sais rien. Des morceaux de Rocher, en tout cas. Bon. Ça veut dire que... Oh, il y en a certainement dans... Il peut y en avoir dans L'homme qui met les femmes, j'en sais rien. Mais c'est-à-dire que Rocher, c'était un... il pouvait être... Ben, c'est devenu notre en fait. Source fondamentale. Oui, oui. Il y a lui, puis alors, on aurait bien voulu en faire autant avec les autos, mais là, les éditeurs étaient un peu trop gourmands. Claude avait reconnu aussitôt l'écriture de Muriel. Pendant un moment, il eut peur que ce soit ses propres lettres qu'elle lui renvoyait. Mais non, ce n'était pas cela, c'était une partie de son journal. Une confession, sans doute la plus sincère et la plus intime qu'il lui serait jamais donné de lire. Mon Claude, nous ne nous verrons sans doute plus jamais, et sûrement c'est mieux ainsi. Mais vous ne devez pas croire à ma pureté. J'ai quelque chose d'abominable à vous raconter à mon sujet. Attention, préparez-vous à lire ma confession et vous verrez que nous sommes quittes. J'ai appris en lisant une brochure que j'ai depuis l'enfance ce qu'on appelle les mauvaises habitudes, que j'ai affaibli mon corps et mon cerveau. Je me suis abîmée. Il y a un moment aussi où on a un peu une révolte, on a beau se dire il faut travailler sans se soucier de ce qu'on dit, il y a un moment où on est quand même envahi par ce qui se dit et on en a assez d'être le cinéaste de la demi-teinte, le cinéaste de la nuance, et on a envie de forcer un peu sur les dosages. Alors probablement parce que les Anglaises mettaient en scène des personnages jeunes pour qui l'amour vraiment ne peut être que pris très au sérieux, j'ai senti la nécessité de faire le film très dramatique. Il n'a pas été pénible à tourner du tout, mais c'est vrai que c'est un film un peu oppressant qui me fait un peu mal à voir même, parce que c'est pas... On fait pleurer des acteurs, bon, parce qu'ils savent le faire, ils peuvent le faire, et c'est bon pour le film, c'est nécessaire. Mais après, je n'ai pas assez de sadisme en moi pour prendre du plaisir à ça, vous voyez, il y a une bobine entière où... qui est l'espèce de qu'on appelait, je crois, quand on faisait le montage, on donne des titres aux parties du film comme ça, alors on disait les désolations de Muriel. Cette bobine que j'aime beaucoup parce qu'elle est très réussie comme jeu d'acteur, comme photo, comme musique, comme texte, elle me fait mal et c'est le genre de film que je n'aime pas revoir, voyez, alors que je pourrais voir Baiser volé avec du public, c'est très amusant parce que les gens s'amusent infiniment. Je continue à ne pas pouvoir filmer un certain nombre de choses, je ne peux pas filmer la violence, je me vois pas du jour au lendemain filmant avec plaisir des gens qui se donnent des coups de pied dans le ventre les uns les autres, c'est un truc qui m'énerve, qui m'énerve comme spectateur et qui est insoutenable pour moi. Je n'aurais pas envie de le filmer. Je crois que j'aurais toujours des grosses allergies, des fortes allergies à un certain nombre de choses que je ne... Mais peut-être que l'intérêt s'ouvre. Par exemple, quelques années avant de faire L'Enfant Sauvage, je n'aurais jamais pensé que je ferais ce film. Je n'aurais jamais pensé que je ferais un film dont le personnage principal serait un médecin. La confession de Muriel provoqua en Claude davantage de curiosité que d'émotion. Il songea surtout aux parties littéraires qu'on pouvait en tirer. Il demanda à Muriel l'autorisation de la publier sous la forme d'une petite plaquette anonyme éditée à tirage limité. Muriel refusa, mais sans montrer à Claude que sa réaction l'avait blessé. Je me suis abîmé. Je ne découvre cela qu'aujourd'hui. Je ne fais plus partie de l'armée des femmes pures. Des femmes pures. J'ai le devoir de tout avouer à Claude. Aucune honte ne m'arrêtera. Je suis ce que je suis. Et si vous pensiez à moi comme à une fille intacte, vous devez savoir que c'est tout le contraire. Mon film préféré de Françoise, c'est Les Deux Anglaises. Ah oui. Moi, j'aime beaucoup Les Deux Anglaises. Je trouve très bizarre, mais plus je le vois, plus je trouve complètement allumé. Vraiment un drôle de film étrange. Très étrange. Et puis, il n'y a que très peu de temps, en fait, depuis très peu de temps, on peut voir la vraie version, le vrai montage définitif, qui était celui d'origine, mais qui avait été tronqué de 20 minutes. Pourquoi vous trouvez complètement allumé, ce film ? Ah, il est étrange. Je ne sais pas, plus je le regarde, plus je trouve, des fois, je le trouve malsain, d'autres fois, je ne le trouve pas du tout malsain, mais je trouve qu'il est dans un rapport à trois. Justement, parce que ce qu'il disait, mais c'est vrai qu'il le disait tout le temps, il n'y a pas que là qu'il l'a écrit, quand il disait « j'ai pas voulu faire un film sur l'amour physique, mais j'ai voulu faire un film physique sur l'amour ». Oui, c'est-à-dire que c'est le premier film où il n'y a pas trop de pudeur, où il ne rechigne pas à montrer des choses qui le mettaient mal à l'aise. Une femme qui vomit d'émotion, parce qu'elle apprend quelque chose qu'elle ne supporte pas. C'est un film qui frise plus l'hystérie que le personnage d'Adèle H, qui serait une hystérique avec une actrice qui sait jouer ça à merveille. La tache de sang qu'il y a dans le montage final et qui n'est pas dans le premier montage sur les draps quand la deuxième sœur perd sa virginité, plus la cécité et la douleur qu'elle a face aux lumières du jour, avec ses, et puis ses attouchements, le fait qu'on on peut se voir peu, on a à peine le droit de se voir. Alors quand on se voit, on se frôle vraiment. Mmh. Évidemment, parce qu'il y a des costumes, ça peut pas être du porno. Et ça peut pas être. Mais oui, c'est un film qui est beaucoup plus physique que les autres, que je trouve finalement plus impudique. Mais d'une bonne façon, enfin. Et c'est vrai que oui, moi aussi, je suis sensible aux histoires de Rocher. Donc c'est pour ça que des adaptations de Rocher ne pouvaient être que dans mes films préférés, quasiment, oui. De mon père. Mmh. Et puis, je vous dis, ce côté ultra physique. Et puis aussi parce que ces relations... Moi, j'aime beaucoup, moi, les films, mais c'est comme j'adore quand on adapte Bernanos au cinéma. Les films où la voix off est importante, le journal d'un curé de campagne, les films où on n'a presque pas de dialogue, j'adore ça. Il y a beaucoup de son off... Il y a beaucoup de son off dans Julie Jim, il y en a encore plus dans les deux anglaises à cause de la correspondance, tout simplement, à cause des lettres. Il y a toujours ce commentaire qui revient tout le temps. Ouais. Et puis c'est vrai que moi j'aime les films livres. L'homme qui met les femmes, je l'aime moins pour d'autres raisons. Je trouve que c'est un très bon film avec une très vilaine image. Je trouve la photo... tout me heurte, les décors me heurtent, les costumes me heurtent, mais c'était délibéré, c'était voulu. Moi je trouve ça assez vilain comme... C'est pas un très joli film. Mais c'est plus les matières, quoi. C'est l'époque qui veut ça. C'était une époque où la mode n'était pas très belle et mon père n'avait pas un goût. Il n'était pas pointilleux sur les matières. Enfin, c'est le contraire de Visconti qui avait besoin de soies raffinées, de vrais meubles anciens. Lui, il s'en foutait un peu. Et ça se voit vraiment. Alors, le film pêche de ce côté-là. Il est vraiment moche. Mais le rythme, comme ça, des pages, de l'imprimerie, de la narration écrite, ça, j'adore ça. Oui, le matin, elle me phone trois fois. Me phone. Vous comprenez? Alors, il y a trois lignes sans un mot d'anglais, là, c'est déjà... Je la possédais où elle va lire L'homme à la rose. Pourquoi j'ai aversion? Alors, ah, c'est une pièce de bataille. L'homme à la rose. Mmh. Lunch, toujours, avec Monsieur Quinn et Ezra Pound chez La Rivière. Super visite à Braque, achat, deux petites toiles, visiter à fond l'appartement de Nicole. Alors, vous savez, il trafiquait dans les tableaux, naturellement, comme vous n'ignorez pas. Et ces neuf brancusis qu'il a eu, je crois qu'il les avait en compte admis avec Duchamp. Et qu'ils les ont vendus. Ça combine Guiton, la cousine des Picadia, qui donne envie de SP, mais dont la conversation est trop spirituellement érotique. C'est décidément bien une petite grippe que j'ai. Après-midi, WH, work home, travail à la maison. Soir, bouillon de poulet avec grand cousy pour talk à faire. Sa bonne et vraie sagesse, c'est vrai ça. Ses heures splendides, pogner l'oiseau, absolument pas gagner l'oiseau. Part chez Queen. Abattis, grillés, riz au lait. Vous voyez ce que c'est? Est-ce que vous notez vos régimes comme ça? Alors, lunch chez Yvonne et Marie. Une nouvelle toile de Marie. C'est Laurencin ou quoi? Oui, je crois que c'est Marie Laurencin. Nous déjeunons en antichambre. Marie va voir Gallimard après déjeuner. Elle en était émue, excitée. Je l'amène jusqu'à la porte de l'hôtel en taxi. On pourrait faire un livre intérieur avec ses lettres. Je retrouve Petit Jardin. Qui est Petit Jardin? Ça, je ne peux pas vous dire. Au rayon parfumerie des trois quartiers. Je suppose que c'est une des femmes de Rocher. Bon, sûrement. Nous causons là. J'aime son calme profond, sa force, la matière de ses lèvres et de ses dents, de ses bras. Elle a une force féminine, parente de celle de Luke. Luke a le génie en plus et sa forme est plus de combat. Alors Luke, c'est Hélène. C'est ça, Luke, je préfère le beaucoup. Petit Jarmin est une force calme qui réclame tout un homme et qui pourrait suffire à un homme. Son petit logis où je vais prendre le thé, sa façon de pendre sa lessive, de mettre son peignoir par-dessus sa robe aux manches courtes. Elle est divorcée ou presque, a deux fils, 9 et 12 ans, n'en veut plus d'autres. Ah, la baronnerie d'Oettingen, ça par exemple. Queen m'envoie dans l'auto, seul jusque chez JNT, je sais pas qui c'est, en route migraine, se déclasse, je vais arriver, me couche, grand livre, soldat. JNT, c'est qui? C'est Jeannot, c'est une des femmes. Ah, c'est une des femmes. Ah, bon. Ah, mais il était bien pourvu, hein. Quoi, c'est vrai. Est-ce que c'est drôle. Madame Henri-Pierre Rocher, 2 rue Nagesse-Récolli, Sèvres, Seine-et-Oise. À Monsieur François Truffaut. Cher monsieur et ami, je vous ai écrit que votre lettre du 5 juillet 1962 m'avait surprise et ravie. Surprise, parce que je n'avais pas consciemment pensé à vous pour ce travail de cistercien, lire le journal de Pierre rédigé depuis 59 ans. Mais peut-être j'espérais que vous trouveriez un allongé, patient et sensible, qui aurait du temps pour cette lecture. Ravi, parce que votre demande sans détour me fait envisager que c'est beaucoup plus simple que je ne le pensais d'aborder ce journal, qui me touche par une certaine innocence, mais aussi qui me bouleverse, me révolte, me ravit et me déçoit et me rend vulnérable. Je suis dans une grande solitude en face de ces carnets. J'ai conscience de la nausée qu'ils donneraient à bien des gens. Je suis en partie responsable de leur existence pour les 30 dernières années, car j'ai largement préservé le temps de Pierre pour qu'il écrive, sentant que c'était un travail de vérité qui le libérait. Ces carnets sont, pendant 59 ans, à peu près uniquement la relation de l'intimité sexuelle de Henri-Pierre avec diverses femmes qui passent et repassent tout au long de sa vie, comme dans un ballet ininterrompu. J'y retrouve notre unique point de divergence. Ce qui était son grand intérêt passionné, ce qu'il sentait comme supérieurement exceptionnel, ce qui lui semblait la prise de conscience la plus complète de la vie et le poussait irrésistiblement dans les bras de femmes différentes, je le tenais pour indigence de sentiment pour l'une ou pour l'autre, pour faiblesse de caractère et cas pathologique d'instabilité sexuelle provoquée par le comportement de sa mère, veuve lorsqu'il avait un an. Femme intellectuelle, intelligente, mais dure, et ayant eu beaucoup trop d'influence, d'intransigeance et d'autorité sur ce fils unique qu'elle voulait parfait. Ce n'est que les 6 derniers mois de sa vie que Pierre a renoncé à ses recherches féminines. Et, gentiment, il me disait alors qu'il vivait les jours les plus heureux de son existence. Voilà le moment de vérité. D'où il est maintenant, Bertrand est bien placé pour regarder une dernière fois ce qu'il aimait le plus en nous. Je me souviens d'une phrase de Bertrand. Les jambes de femme sont des compas qui arpentent le globe terrestre en tous sens, lui donnant son équilibre et son harmonie. Votre interprétation à vous de l'homme qui aimait les femmes, c'est que c'est un peu un portrait de Rocher. Beaucoup un portrait de Rocher. Mais vous savez, alors là, je vais dire des choses, qui, une opinion que j'ai comme ça. François avait envie d'imiter ses maîtres. Je pense que dans son goût pour les femmes et son côté chasseur, lui aussi, qu'il avait, il y avait à la fois... Il était influencé, plus ou moins consciemment, par des modèles comme Rossellini, qui était un grand chasseur aussi, et Rocher. Parce que ce qui nous intéressait aussi dans ces deux bouquins et dans les carnets, c'est que, aussi bien François que moi, on retrouvait des éléments autobiographiques. L'histoire des deux sœurs, moi, les deux sœurs, ça m'a toujours fasciné. J'ai eu une petite histoire il y a très très très longtemps, avec deux sœurs, comme ça. Et il est évident que quand vous êtes avec, si ça marche avec une des sœurs, vous avez immédiatement envie de l'autre sœur. Vous avez appris l'arrivée de ces carnets? Oui, François m'en a parlé, bien sûr, puis il m'en a donné à lire, mais il me les a donné à lire une fois qu'ils avaient été au fur et à mesure qu'ils étaient tapés à la machine. Enfin, il y a eu une époque où j'en ai lu énormément. Je crois, oui, ça l'intéressait d'avoir des réactions féminines sur ces carnets, puisque la dame qui avait accepté de les taper à la machine avait été tellement choquée, tellement bouleversée qu'à un moment, elle avait cessé de vouloir taper. Oui, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est pas Lucette de Givray qui les a tapés. D'ailleurs, il le dit, je l'ai retrouvé ça dans un texte de lui où il dit qu'il a... Pour moi, Charles Denner, dans L'homme qui aimait les femmes, n'est pas vraiment un écrivain. Il était un écrivain débutant, un écrivain amateur, un écrivain non édité. C'est pourquoi il ressent si fortement... La critique, au fond, ce qui n'est pas une critique littéraire d'ailleurs, qui est tout sauf une critique littéraire, mais la restriction, la réticence de la femme chez qui il a donné à taper son manuscrit, qui à un certain moment lui dit « Écoutez, non, d'habitude je tape des choses très ennuyeuses, des thèses, des trucs scientifiques, mais votre manuscrit me trouble, m'empêche de dormir la nuit. Elle lui dit « Je ne suis pas bégueule, j'ai une vie privée, j'ai été marié, j'ai une vie privée, mais ces choses-là me dérangent, je ne veux plus taper ce manuscrit. » Donc il reçoit un choc parce qu'on est, on est toujours très attentif, ça je suis sûr qu'on peut le trouver chez n'importe qui. N'importe qui créant quelque chose est très très attentif aux premières remarques qui sont faites sur son travail. Mais je ne sais pas, moi je sais que je n'ai pas été choquée justement, je n'ai pas été choquée parce que ce qui me frappait c'était chez Henri-Pierre Rocher l'amour qu'il avait de toutes les femmes. Vous dire que vous n'avez pas été choquée par la lecture des carnets? Non, oui, oui, pas du tout, pas du tout. Parce que je trouvais tellement merveilleux quelqu'un qui puisse aimer autant de femmes, et chaque femme pour une raison différente, et les aimer vraiment, et les aimer justement, que j'étais touchée, mais pas du tout choquée par ça. Et il y a un petit peu de ça aussi dans L'homme qui aimait les femmes. Un oui, il y a ce, bien sûr, il y a ce, ce désir de ne pas montrer un homme qui soit purement un cavaleur. Enfin, qui soit juste, mais de montrer quelqu'un qui aime vraiment, enfin, qui aime différemment et qui aime vraiment. Mais c'est moins physique qu'Henri-Pierre Rocher, en tous les cas. C'est beaucoup plus modeste, beaucoup plus retenu sur le plan physique. Parce que Rocher, c'est physique. En même temps, il les aime vraiment avec son sexe. Enfin, il ne les aime pas seulement... Mais il n'y a pas non plus de description gênante dans ces carnets, mais c'est vrai que le côté physique de l'amour est ce dont il parle énormément, mais il ne parle pas que de ça. Elles sont des milliers tous les jours à marcher dans les rues. Mais qui sont toutes ces femmes? Où vont-elles? À quel rendez-vous? Si leur cœur est libre, alors leur corps est à prendre, et il me semble que je n'ai pas le droit de laisser passer la chance. La vérité, je vais vous la dire... Elles veulent la même chose que moi. Elles veulent l'amour. Tout le monde veut l'amour. Toutes sortes d'amour. L'amour physique et l'amour sentimental. Ou même simplement la tendresse désintéressée de quelqu'un qui a choisi quelqu'un d'autre pour la vie et ne regarde plus personne. Je n'en suis pas là, moi. Je regarde tout le monde. Comme certains animaux, les femmes pratiquent l'hibernation. Pendant 4 mois, elles disparaissent. On ne les voit pas. Au premier rayon de soleil du mois de mars, comme si elles s'étaient donné le mot, ou comme si elles avaient reçu un ordre de mobilisation, elles surgissent par dizaines dans les rues, en robe légère et talons hauts. Alors la vie recommence. Enfin, on peut redécouvrir leur corps et différencier 2 catégories. Les grandes tiges et les petites pommes. Voici une grande tige. Je faisais un travail sur Franz Hessel, en fait. Et j'étais à la recherche de documents concernant Franz Hessel. Et quelqu'un m'avait dit, d'ailleurs c'était par l'intermédiaire de l'Allemagne, quelqu'un m'avait dit que Truffaut les détenait. Alors j'ai pris tout mon courage, j'ai écrit directement à François Truffaut. Et il m'a écrit, il m'a répondu presque immédiatement. Alors je crois que vous avez une lettre de François Truffaut. Oui, j'ai une lettre de François Truffaut, justement à la suite donc de ma demande. Votre demande, c'était quoi? C'était je lui demandais que j'avais appris qu'il détenait les carnets de Henri-Pierre Rocher et qu'il connaissait donc la longue amitié qui le liait à Franz Hessel et que ces carnets seraient pour moi d'une grande importance et que j'aurais beaucoup souhaité les étudier. Et donc, je lui demandais la permission de les lire. Et il m'écrit, effectivement, je possède un exemplaire des carnets de Henri-Pierre Rocher de 1904 à 1945. Mais des expériences malheureuses avec différents éditeurs m'ont rendu extrêmement craintif. Je vous propose de venir consulter ces textes sur place dans mes bureaux des films du Carrosse. Leur dactylographie est répartie en 27 volumes dont chacun compte probablement plus de 100 pages. Célèbres ou inconnus, les personnages sont désignés par des surnoms, ce qui ne facilite guère le travail des chercheurs. Téléphonez-moi pour que nous prenions rendez-vous, etc., etc., François Truffaut. Alors, j'ai téléphoné et il me proposait de venir chez lui dans son bureau. Et il me mettait à ma disposition un bureau qui était libre l'après-midi et je pouvais venir aussi souvent que je voulais et que je pouvais les consulter donc sur place. Au début, je ne le voyais pas, peut-être 2-3 fois. J'étais là sans que je l'aperçoive. Et je crois que j'ai compris après coup pourquoi. Parce que il était très, très intrigué, très curieux à savoir comment j'allais réagir. Il voulait peut-être d'abord me laisser lire ses carnets et voir la réaction que j'allais avoir. Parce qu'après, il me racontait que Il a vu des expériences avec des secrétaires qui avaient dactylographié le manuscrit de Rocher et qui lui avaient presque lancé à la figure, tellement elles étaient scandalisées. Et alors il voulait voir qui était la femme qui tenait bon, qui continuait à lire et qui ne partait pas. Et c'est seulement après cet essai qu'il voyait que je lisais, que je n'étais pas du tout scandalisée, qu'il venait, il me parlait, il passait un moment avec moi. Et vous parlez de quoi ? Vous parlez de Rocher ? Il me parlait de Rocher, mais il m'interrogeait surtout sur Hélène. Il avait tout de suite compris que je connaissais Hélène, ça c'était très rapidement dit. Et ça l'intéressait beaucoup, ce qu'elle était devenue hors carnet, après ce qu'il connaissait. Je ne sais pas, je n'arrive pas à faire la différence entre ce que je sais ou ce qu'on m'a raconté sur Rocher, cette gentillesse, et puis la gentillesse de Truffaut. Il y avait une espèce de... Je fais un mélange. Ils sont tous les deux pareils, je trouve. Une gentillesse très, très, très précise, très exacte, très rapide. On n'attend pas, on fait tout de suite les choses et on les fait bien, on les fait nettement. Et les deux, je trouve, il y a une ressemblance entre les deux. Et peut-être que pour ça, Rocher, les deux étaient attirés, Truffaut par Rocher, Rocher par Truffaut. Ce jeune homme que Rocher a rencontré en Truffaut, avec la même sensibilité, je pense que Rocher aussi était attiré par Truffaut. Il y a certainement une continuation, il a légué là quelque chose en ce jeune homme. D'ailleurs, il me disait qu'il se passait jamais longtemps sans qu'il ne relise les carnets de Rocher. C'était vraiment pour lui, il vivait avec ça aussi. Ah oui, non, ça c'était la passion et puis le goût des livres qu'avait François, enfin le goût passionné des livres. Donc Henri-Pierre Rocher sert parce qu'il était comme un modèle involontaire de François, mais François aurait pu se passer de ce modèle. Enfin, c'est une rencontre. C'est vraiment deux personnes qui, d'une certaine façon, avaient des points communs. La grande différence étant que François n'a pas pu être, heureusement pas été un dilettante, parce que je pense qu'Henri-Pierre Rocher a dû souffrir aussi du fait qu'il était toujours à la marge de tout ce qui se créait. Alors que j'ai l'impression que François avait à la fois... des vrais amis et des vrais amours et des vrais sentiments, mais que toutes les choses pouvaient devenir objets de fiction. L'idée me trottait de faire un film avec Charles Denner d'un bout à l'autre de l'écran, et puis de faire un film dont le principe visuel serait un homme et beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes. Et si on transposait l'histoire en science-fiction, ça donnerait ça. Ça donnerait un type qui sort chez lui le matin et qui ne rencontre plus un seul visage d'homme dans la rue. Bon, je ne l'ai pas fait de cette façon-là, je l'ai fait plus réaliste, je l'ai fait en comédie dramatique. Donc il y a quand même peut-être ici et là des hommes qui passent sur le trottoir d'en face, mais ils n'ont pas de lien avec lui. Lui, on sent que son monde est uniquement les femmes. Après le départ de Fabienne, une fois de plus, je me retrouvais seul. Ce qui me convenait assez bien, car j'ai toujours aimé la solitude. C'est pourtant la solitude qui m'amena deux jours plus tard dans ce cinéma où l'on projetait un film documentaire. Moi qui n'ai toujours aimé que la fiction. Et la solitude, parce qu'il a... Et la solitude aussi, et la solitude, oui, oui, oui. Oui, oui, la solitude, et puis quelque chose de fiévreux, d'anxieux, de fébrile, qui convenait, je voulais, à un coureur de femmes qui soit fébrile, qui soit dans l'inquiétude, il y a des images qui ne sont pas dans le film, qui aident beaucoup, vous savez, souvent on est aidé dans la réalisation d'un scénario par des images qui éventuellement ne seront pas dans le film après. Moi je le voyais un moment sur un quai de gare, voyant partir un train qui n'est pas celui qui le concerne, puisqu'il y a une voie, double voie, et voyant un visage de femme qui va être perdu, qui va se laisser perdre, et courant après le train pour lui donner une adresse, un numéro de téléphone, ou lui demander le sien, vous voyez, je voyais un type comme ça, comme si... qui fait tout comme si c'était toujours très grave. Bertrand a poursuivi le bonheur impossible dans la quantité, dans la multitude. Pourquoi nous faut-il chercher auprès de tant et tant de personnes ce que toute notre éducation prétend nous faire trouver en une seule ? Mais de toutes ces femmes qui ont traversé sa vie, il restera tout de même quelque chose, une trace, un témoignage, un objet rectangulaire, 320 pages brochées, on appelle ça un livre. Henri-Pierre Rocher et François Truffaut, une affinité créatrice. Avec Karine Grund, Georges Bernier, Eva Truffaut, Jean Clair, Jean Gruau, Suzanne Schiffman, Henri Serre, François Truffaut. La lettre de Denise Rocher est lue par Martine Sarcé. La lettre de Hélène Hessel par Andrea Schiffer. Archive Ina Yves Builly, extrait d'entretien de François Truffaut avec Claude Jean-Philippe. Les carnets d'Henri-Pierre Rocher sont publiés aux éditions André Dimanche. Enregistrement Christian Fontaine, Noélie Louis-Marie, mixage Monique Burguière, Éric Boisset. Une émission de Blandine Masson, réalisation Jean-Claude Loiseau. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 7 mai 1991. Thank you. Thank you.